bonjour, salut, nous voilà revenus. Moi, Crapman, et la mouche, et lui, Roger. On n'a pas trop vieilli, on n'a pas trop changé. On dit des conneries, on sait pas bien chanter. Mais notre seule mission, c'est encore de s'amuser. À n'importe quel moment de la journée, avec Crapman, c'est moi, la mouche, et Roger. Je suis pas contente qu'elle veut se détendre. Elle rentre dans sa chambre, elle commence à s'étendre. C'est là que j'entre sans faire aucun bruit. Je m'approche de la mouche et je lui crie: hey, la mouche! Hein? Quoi? C'est qui là? Arrête de dormir! Je suis peut-être une mouche, mais j'ai aussi besoin de repos. C'est pas que je suis farouche, mais je dois faire de dos. À voler toute la journée, on devient très fatigué. C'est pas comme Roger, notre ami ordinateur. Il est jamais fatigué, pas besoin de se coucher de bonne heure. Mais on l'aime quand même, il nous fait bien rire. Avec ses poèmes qu'il aime bien nous lire. Allez, vas-y! Mon cœur, circuit, fonctionne pour toi. Ma belle, Sylvie, Pentium 3. Pour toi, je décrocherai sur le qui-vive, 64 mecs de mémoire vive. Et je t'emmènerai, dans le cyberespace, voir ton idole, Mickey Mouse. On n'a pas trop vieilli, on n'a pas trop changé. On dit des conneries, on sait pas bien chanter. Notre seule mission, c'est encore de s'amuser. À n'importe quel moment de la journée, avec Crapman, la mouche et Roger. Si notre bonne humeur vous cause un problème, allez donc voir ailleurs, c'est pas notre problème. Et même si parfois on se chicane entre nous, on s'excuse à chaque fois, on est amis avant tout. Car on n'a pas trop vieilli, on n'a pas trop changé. On dit des conneries, on sait pas bien chanter. Mais notre seule mission, c'est encore de s'amuser. À n'importe quel moment de la journée, avec Crapman, et la mouche, et Roger. Dans les bottines, dans les bottines.